Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes te faire arnaquer? Non. Et est-ce que tu aimes arnaquer les gens? Non. Ah bon, non. Mais tu aimes Tom Cruise? Oui. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being! Respect the cock! I'm a Vietnam veteran! Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Ce soir, nous sommes sur l'épisode 8, nous allons parler de The Color of Money, la couleur de l'argent en français, un film sorti en 1986 de Martin Scorsese, où Tom Cruise joue le rôle de Vincent Loria. Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film et est-ce que tu as eu envie de le voir? Eh bien... Non, je n'avais pas vu. Toujours 100%, on est bien. Non, mais c'est fou quand même. 8 sur 8, c'est beau. Ouais, on fera la fête quand je l'aurai vu. Oui, j'avais envie. J'avais envie. Ouh, c'est un petit oui. Bon, c'est pas mon gros délire. Pareil, c'est encore du jeu, tu vois, les films un peu sportifs, entre guillemets. C'est du sport. Oui. Mais voilà, pourquoi pas. Je me suis dit, allez, c'est bien. Okay. Et toi? Et moi, non, je ne l'avais pas vu non plus. Mais bon, comme il y a deux semaines, j'avais vu le film, ça va, j'ai la meilleure pensée. J'avais lu le livre de The Hustler, l'arnaqueur, le film qui est censé être le film d'avant. Mais non, je n'avais pas vu la couleur de l'argent, et par contre, j'avais très envie de le voir. Parce que quand même, Paul Newman, Martin Scorsese, Tom Cruise, oui. Bon, bah, voilà, t'as la triade parfaite. Franchement, t'achètes. Alors... Allez, on est parti, petit on fait un petit résumé. Alors, on prévient, on risque de spoiler l'intégralité du film. Même on va le faire, On va le faire. Très déterminé à tout le spoiler. Donc, arrêtez le podcast, mettez une petite pause, vous regardez le film, parce que ça, quand même, ça vaut le coup de le voir. Hein. C'est pas comme d'autres films c'est où pas... on s'en fout. C'est pas une grosse bouse. Non, on vous conseille plutôt de le regarder et ensuite d'écouter. Voilà. Après, tu peux le regarder aussi après. Mais oui. Bon, c'est toujours plus sympa de ne pas savoir. Tout à fait. Alors, petit résumé. On est à Chicago, au fin fond de l'Amérique, encore une fois. On retrouve les personnages de Paul Newman. Ah non, ça commence, il faut dire, ça commence avec une super voix off qui raconte les jeux de 9 billes. Oui. Donc, c'est au billard, à la place d'avoir les 16 billes classiques, oui. T'en mets que 9. Soit tu mets, et tu peux gagner si tu mets la 9 tout en premier ou la 9 tout en dernier. Oui. Et il y a beaucoup d'aléas dans ce jeu, c'est beaucoup de chance, mais il y a des joueurs pour lesquels la chance, c'est un art. Et cette introduction, c'est la voix off, c'est Martin Scorsese. Allez, anecdote. Ah oui? Oui. Ah, je ne savais pas. Ah, me suis demandé après, je me suis dit, mais est-ce que c'était Tom Cruise? Non. Non, c'est Martin Scorsese lui-même. Très joli. Donc voilà cette voix off. On retrouve Paul Newman, donc Eddie Felson dit le fortiche. En français, c'est le fortiche, en anglais, c'est fast Eddie. Oui. Qui essaye de vendre, il est en bar où il y a du billard des billards derrière lui et il essaie de vendre à la barwoman de l'alcool, du whisky. C'est la patronne et c'est à moitié sa copine en fait. Oui, on comprend qu'il flirte, c'est sa copine. D'ailleurs, c'est trop belle cette scène. Je trouve ils flirtent super bien tous les deux. Ils sont trop. Paul Newman qui flirte. C'est fou. Oh my god. C'est fou, hein. Quelle classe. Ouais. Quelle beauté. Oh mon dieu. Trop bien. Trop beau. Trop bel homme. Soyez prévenus, on va le dire tout le temps. Voilà. C'est des petits papillons dans le ventre avec Paul Newman. Il y a plein de moments. Waouh. Et donc, super scène super intense. Et derrière lui, il y a Julian, oui. Qui est joué par John Turturro. Je ne sais pas comment on dit, mais Turturro. C'est plus italien que français, je ne peux pas t'aider. Turturro. Qui est en train de jouer au billard avec un gars. Et souvent, de ce qu'on comprend du film, en gros, tu joues toujours au billard pour de l'argent. Quoi. Tu fais des paris, je vais gagner 30 dollars, 20 dollars, machin truc. Il n'arrête pas de venir embêter Paul Newman. Il lui demandait de la thune parce qu'il est en train de perdre. contre un joueur qui, dans les pauses, il joue aux jeux vidéo. Oui, un jeu de bagnole ou je sais pas quoi. Oui, en tout cas, un peu à la con. Et donc, Paul Newman, il prête $20. Il est curieux parce que John Turturro, quand même, il est un bon joueur. Et on comprend qu'ils se connaissent, quoi. Il commence à regarder la partie de billard. Et en fait, il joue contre Vincent Loria, Tom Cruise, qui est ultra doué. Il est hyper fort. Il se la pète grave. Il n'arrête pas de frimer. Il fait des espèces de batailles samouraï avec la queue de billard, là. Il est un personnage, quoi. Donc, Paul Newman, il s'intéresse beaucoup à ces gars. Et il voit que la nana qui gère l'argent, il s'approche d'elle. Il y a une nana à côté de la table qui gère les paris de Tom Cruise. C'est elle qui récupère l'argent, c'est elle qui décide les paris. Et elle s'appelle Carmen. Qui est jouée par Marie-Elisabeth Mastrantonio. Mastrantonio, c'est difficile à dire. Et du coup, il s'approche d'elle et il dit « Moi, je veux jouer contre ce gars ». Il commence un peu, déjà un peu l'arnaque. Il dit « Mais moi, je ne joue pas pour $20, je joue pour $500 ». Elle dit « Ah non, j'accepte pas ». Elle lui dit « Ah, tu aurais dû accepter ». Mais pourquoi ? Mais parce que machin truc. Et oui. Il lui explique un peu, il commence à lui expliquer un peu comment on traite les paris autour d'une table de billard et qu'en fait, ça ne s'improvise pas. Quoi. Ouais, et comment tu peux faire encore plus d'argent si tu es un peu malin, quoi. Voilà. Et qui lui, il lui dit bah, « Je vous invite au dîner demain soir. » Non, c'est soir. Et on en discute. Donc, il se retrouve au dîner avec Paul Newman. On comprend que Tom Cruise, il est trop amoureux de cette Carmen. Elle peut-être un peu moins, mais voilà, ils sont un couple. Lui, il a l'air hyper naïf, quoi. Il est hyper naïf. C'est un enfant, quoi. Ouais, c'est un enfant. Tout à fait. Il parle de jeux vidéo alors que c'est pas du tout le sujet. Il dit le billard, c'est facile, alors que le jeu vidéo, là, il est très, très, très dur. Ça, c'est un vrai challenge. Très bizarre. Et Paul Newman, il essaie de les convaincre qu'il devrait partir à Atlantic City, donc jouer des tournois de billard professionnels où tu peux gagner beaucoup d'argent, mais pas tant pour les prix du tournoi, dans les dehors du tournoi. En fait, tu n'arrêtes pas de jouer au billard avec des gens et si tu te démerdes bien, tu peux arnaquer les gens. Ouais. Genre au début, tu fais semblant que tu es en grosse bille. Tu montes, tu perds, et après tu gagnes tout d'un coup. Voilà, oui, c'est long comment. C'est le truc de faire attention à ne pas trop bien jouer pour ne pas être repéré. Pour ne pas qu'il arrive à Atlantic City en ayant déjà été repéré, quoi. Il faut qu'il arrive un petit peu. Il est considéré un peu comme une merde. Comme ils peuvent parier des sous, ils gagnent, c'est ça, et c'est fini. Ouais. Donc, au début, ils ne sont pas méga convaincus. Tom Cruise, il n'est pas trop convaincu. Non, parce que c'est un bon garçon qui, lui, il joue parce qu'il veut gagner. Il est pas et en trop plus, il n'a pas envie de faire semblant de perdre parce qu'il aime bien, c'est la péter, quoi. Ouais, grave. Du coup, Paul Newman, il dit, ben, tu vas voir. Il leur fait un espèce de truc. Moi, je vais partir dans 2 minutes avec cette nana parce que moi, je capte toutes les situations, toutes les personnalités. Donc, avec moi, je suis les meilleurs. Et en fait, il part avec la nana. Mais c'est une arnaque même parce que la nana, il la connaît. Bref. Donc, il va voir Tom Cruise à son poste de travail où il est vendeur dans un grand magasin de jouets ou des trucs pour les enfants, en tout cas. Et il lui dit « Ah, je ne suis pas sûr que Carmen, ça lui convient, la vie que tu mènes, et ça serait bien que tu fasses un truc. » Il dit « Mais non, mais elle est très contente. Moi, j'amène de l'argent avec mon travail. Je n'ai pas besoin de l'argent du billard. » Et en fait, il arrive subtilement à le convaincre de partir parce que Carmen, peut-être, elle n'est pas si... Je suis contente que ça de leur vie casanière. Oui, c'est ça. Il essaie de jouer sur les sentiments. Il a bien compris que c'était un mec hypersensible et du coup, il s'est dit si je le. Via Carmen, je vais peut-être arriver à l'embarquer. Parce que lui, Paul Newman, tu sens que de l'avoir vu, ça a réveillé un peu le truc, se dire avec ce gamin-là, je vais pouvoir faire des belles arnaques et ramener beaucoup d'argent. Quoi. Et ça le relance un peu dans son truc. Oui, il est méga excité. Ouais. Il dit vendre de l'alcool. Bon, c'est bien, mais en fait, là, j'ai une flamme qui brille quoi, à moi. C'est vraiment sa passion, c'est l'arnaque. Quoi. L'arnaque et le billard. Oui, les deux. Donc, on découvre quand même aussi le personnage de Carmen, qui est un super personnage. Ouais, quand même, c'est pas juste la nénette qui est mise là-bas, qui fait rien. Qui du coup va parler avec Paul Newman en lui disant « Ouais, tu fais semblant d'avoir sorti les grands jeux, mais est-ce que tu connaissais pas la fille avec qui t'es partie ?» Tu vois, elle le démasque un peu dans sa dynamique. Elle dit « Moi-même, tu sais pas comment j'ai rencontré Vince. C'est parce qu'avec mon copain, on voulait braquer sa maison, la maison de ses parents. Donc on s'est rencontrés au poste des polices, tu vois. Je sais pas la première venue, mec. Ça, c'est énorme. En plus, elle dit, tu vois, ses colliers, elle a un collier en forme de cœur. C'est du vol, quoi. Je l'ai volé à la maman de Vince. Et lui, il pense que la première fois qu'il l'a vu, il m'a dit « Ah, ma mère, elle est même. » Il est tellement naïf. Pauvre Vince. Bref, ils décident de partir tous les trois, du coup, sur les routes de Atlantic City pour le grand tournoi. Mais entre-temps, ils s'arrêtent à plusieurs tables de billard pour petit à petit parfaire un peu le... En gros, Paul Newman, il veut l'éduquer à l'arnaque pour qu'il arrive à Atlantic City en ayant les bons réflexes, quoi, pour bien faire les belles arnaques. Ouais, donc, pas sur le billard, parce que sur le billard, pour lui, c'est un crack, il est trop fort. Donc oui, il n'a rien à lui apprendre. Quoi. Il est trop fort. Quoi. Du coup, il commence par lui dire qu'il doit perdre, mais Vince, il n'arrive pas vraiment. Tu vois, il n'aime pas perdre. Après, il doit gagner contre un gars, mais Vince, il a trop pitié de lui, donc il fait semblant de perdre. Donc, en tout cas, Paul Newman, il ne gagne pas beaucoup d'argent parce que dans tous les paris gagnés, lui, il a 60% quand même des revenus. Ouais, que Vince, il n'y arrive pas parce qu'il fait tout à l'émotion, quoi. Voilà, il n'arrive pas trop. Jusqu'à qu'ils arrivent à mettre en place quelques arnaques, tu vois, ça marche. Dont l'arnaque, les deux frères et l'étranger. Et l'étranger, qu'ils expliquent, c'est assez, c'est assez marrant. Et qui marche, du coup. Et qui marche. Même si ça énerve Vincent, parce que du coup... pour faire cette arnaque-là, ils sont obligés, Paul Newman et Carmen, enfin Eddie et Carmen, ils sont obligés de faire croire qu'ils sont un couple et qu'ils ne connaissent pas Vincent. Et en gros, ils arrivent dans le bar au moment où Vince il provoque pas les gens. Gagner. Il n'arrête pas de gagner, il provoque les gens. Et eux, en fait, ils vont faire diversion en foutant un peu le bazar et en essayant de faire monter la sauce pour qu'il y ait des gens que ça énerve et qui disent « Ok, je vais jouer contre lui pour perdre », etc. Quoi. Non, c'est qu'en fait... Ils vont jouer que les couples là, Paul Newman et Carmen, ils énervent Vincent. Donc Vince il dit bah vous voulez pas arrêter, dégager machin truc. Il dit ah ouais tu veux ça, ben moi je parie contre toi sur l'autre joueur. Et tous les gens du bar ils savent que Vincent il est trop fort. Donc est-ce que quelqu'un veut reprendre le pari? On met $500, tu vois. Mmh. Et les barman, il dit ah oui moi j'ai mis $1,000 sur l'autre. Et c'est là que Vince il va perdre exprès. Ouais. Donc voilà, il gagne beaucoup d'argent quoi. En plus, quand il y a le mec qui dit $1,000, tu vois Paul Newman, les yeux qui font ping. C'est clair. C'est bon, c'est gagné. Sauf que ça énerve Vincent qui du coup il fait quand même la combine comme il faut, mais il sort et il dit ouais, t'étais pas obligé de la ploter devant tout le monde, c'est pas bien. Et Paul Newman qui lui explique mais on joue en fait, c'est un jeu, on est obligé de faire ça pour et on fait ça bien quoi. Oui, parce qu'il y a un peu d'intimité, ambiguïté à un moment. Carmen, elle essaie de draguer un peu Paul Newman et Paul Newman, il lui dit non, mais en fait, t'as pas compris. Moi, je suis pas là pour te draguer. Je suis là parce qu'on est partenaire de business. Donc, on s'occupe de tous les deux du même champion, quoi. Ouais. Et c'est assez beau leur relation finalement parce qu'ils sont très complémentaires. Oui, tout à fait. Donc, on se retrouve un peu au clou où, enfin, ils se retrouvent face au grand champion de Atlantic City dans une salle de billard par hasard. Vincent, donc Paul Newman lui dit tu dois perdre contre lui, tu dois t'humilier, tu dois vraiment t'élater et tout parce que sinon au tournoi on pourra pas parier sur toi parce que si tout le monde sait que t'as gagné contre les grands champions bah tu voudras plus rien quoi. Donc il essaye de perdre mais les grands champions il est trop frimeur aussi tu vois, il lui dit ah c'est un vrai cauchemar, ah ouais machin je suis trop fort. C'est horrible. Et du coup Vince il est trop orgueilleux et il est détruit. Pour le moment Paul Newman il se casse. Il est méga vexé. D'ailleurs, Paul Newman, il a offert une super queue de billard à Tom Cruise. Une balabouchka. Qui s'appelle balabouchka. C'est genre la Rolls Royce de queue de billard. Mais qui ne doit pas la sortir. Il ne doit surtout pas jouer avec parce que sinon, ça montre que c'est un... Enfin, c'est pas n'importe qui a ce genre de queue de billard. Donc... C'est un champion, quoi. Et donc, voilà, lui, il sort les grands jeux et tout. Paul Newman, il s'énerve. Il dit, bon, écoutez, j'ai plus rien à vous apprendre. Moi, je me casse. Tenez, je vous donne $300. Démerdez-vous, allez à Atlantic City, vous vous démerdez. Moi, je fais autre chose, tu vois. Mm-hmm. Il trouve énerve. Tom Cruise, il s'énerve. Carmen, elle récupère quand même l'argent. Après, parce qu'elle n'est pas conne, quoi. Et donc, on perd les couples Tom Cruise-Carmen, Vince-Carmen. Ouais. Et on suit Paul Newman. Oui. Qui suite à ces trucs-là, il... Ah mais non, d'abord, il s'est fait arnaquer. Bon, juste après... Là, il se remet à jouer lui-même, en fait, parce qu'il ne jouait plus depuis longtemps au billard. Et il se remet à jouer. Alors, tu sais, peut-être un peu ce truc de ça lui a redonné envie de jouer. Et en même temps, il se dit, est-ce que je suis capable encore d'arnaquer tout seul ou au moins de gagner tout seul ? Enfin, c'est un peu ambigu. Tu sais pas s'il rejoue juste pour se prouver qu'il joue encore bien ou se prouver qu'il peut travailler, enfin, arnaquer tout seul. Oui, parce qu'en même temps, quand il voit le match entre Greedy, donc le grand champion, et Vince, il se passionne au jeu. Ouais. Tu vois, il pense plus à l'arnaque. En fait, il regarde et tu vois qu'il a l'envie de jouer, en fait, pour jouer et pas pour arnaquer. Bref, il recommence un peu à jouer. Il tombe sur un gars. Comment il s'appelle ? Whitaker. Forest Whitaker, oui. Amos, le personnage, c'est Amos. Le personnage, c'est Amos. Joué par Forest Whitaker. Qui est, trop qui est génial. Fabuleux dedans. Super scène. Et en fait, il se rend pas compte, mais il s'est fait arnaquer lui-même. Ouais. Et puis méchamment, parce qu'ils font partie sur partie et il se fait avoir. Et c'est toujours double ou rien. Ouais. Donc à chaque pari, tout double. Et à la fin, il perd tout son argent presque. Ouais. Et du coup, il lui dit, t'es un arnaqueur, non ? Ouais. Le gars dit, bah oui. Au bout de 5 parties, bah désolé, mais oui, quoi. Et en fait, il y a le moment de down de Paul Newman qui se casse définitivement, qui les laisse tous les deux, tu vois. Et donc, voilà, on suit Paul Newman qui décide de recommencer à jouer, qui a un problème de vue quand même, qu'il est en train de devenir un peu aveugle, donc il achète des lunettes, il va faire sa visite. Des pare-brises énormes, teintées, tout, c'est magnifique. Années 80 à fond. Il commence à rejouer dans toutes les salles de billard pour se faire la main. Il fait des paris, il gagne. Il s'entretient, il va faire de la piscine, tout ça. Enfin, il se remet en forme. Quoi, parce qu'en gros, tu t'imagines que son objectif, c'est bah, là, je vais aller à Atlantic City et je vais prouver à tout le monde que je suis encore là. Quoi. Il se retrouve à Atlantic City, effectivement. Il commence à gagner les premiers matchs. Tu vois, il commence à gagner jusqu'au quart de finale. Ouais, je crois. Où il revoit Tom Cruise dans les soirées. Aussi. En fait, il recroise Tom Cruise et Carmel qui font des grosses arnaques à des gens et qui est presque Tom Cruise de Vince, de son côté naïf. Il est devenu les gros arnaqueurs plus que Carmel, finalement. Oui. Carmel, il fait vraiment l'arnaqueur. Tu vois, comme tout ce qu'il fait, il fait tout à fond. Ouais. Comme quand il joue au billard, il joue au billard à fond. Quand il arnaque à fond. Quoi. Voilà. Carmel, elle gère quand même justement pour que ça se tuile bien, etc. Ouais. Sachant que du coup, Eddie, il avait repris un petit peu les arnaques, mais à une plus petite échelle. Oui, il fait juste des paris. Il fait des paris et il en perd un de temps en temps pour faire monter la cote. Oui. Donc, il se retrouve au tournoi tous les trois. Il se retrouve au quart de finale. Eddie contre Vince. Donc, voilà, on va tout vous spoiler. Hein. Attention. Attention, là, ça commence à être sérieux. Ça commence à être la fin, quoi. En fait, Eddie, donc Paul Newman. Match très serré. Super match, trop beau. Tout le monde a les souffles coupés. Mmh. Les coupes soufflées, c'est pas mal. Les souffles coupées. Et ils font des tirs des ouf. Il y a deux, trois belles. Je sais pas comment on dit, mais belles. Figure de billard, on sait pas. Ça se dit. Et Paul Newman arrive à gagner. Il est trop fier de lui. Toute dernière erreur de Tom Cruise. Voilà. Tom Cruise, il fait une toute petite erreur et Paul Newman, il gagne. Tom Cruise, il part blessé. Paul Newman, il essaie de lui dire, c'est un super jeu quand même, bravo. Mais il est trop vexé. Vince, Tom Cruise. Mais le lendemain matin, il arrive à la porte. Ah oui, entre-temps, il y a sa copine qui est venue. Oui, il y a la copine de Paul Newman. En gros, il va super bien parce que là, il gagne, il joue, ça lui fait du bien. Il y a sa copine qui l'a rejoint. Il se ressent revivre, quoi, en fait. Ouais, avec sa copine, ça se passe super bien. Ouais, ils veulent aller aux Bahamas, tout ça. C'est love. Ils sont trop beaux. Bref. Et toc, toc, toc à la porte. Il est avec sa copine dans la chambre d'auberge. Toc, toc, toc à la porte, c'est Tom Cruise qui arrive en mode vraiment gangster avec la chaîne en métal, la chemise. Il dit, ah super, c'était génial la partie d'hier. Tiens, il lui donne une enveloppe avec 8 000 $. Qui revient, c'est 8 000 $. Je viens de réfléchir, comment est-ce que business. 8 000 $, il lui dit, c'est ta part, c'était génial. Hier, j'ai perdu, j'ai trop bien géré. Oui, j'ai arnaqué tout le monde, en gros. En plus, il lui dit exactement, il dit, t'as vu, en plus, ce coup-là, c'était exactement à ce moment-là qu'il fallait que je rate pour que ce soit crédible et tout. Et il lui explique pile poil l'arnaque. Il savait qu'il a fait, dès le début qu'il allait perdre sur cette bille-là et qu'en fait. Il a tout calculé. Il a calculé parce que les paris, lui, il était trop coté, donc il devait parier. Contre lui-même. Oui. Il devait parier sur Paul Newman qui ne s'attendait pas trop qu'il gagne. En fait, il a gagné les gros lots en perdant. Donc, Paul Newman, il est trop vexé. Le lendemain, il est dans la finale. je crois. Non, quart de finale, demi-finale. Ouais, pardon. Demi-finale. Et en fait, il arrête tout. Il déclare forfait. En cours de route. En cours de route, genre la deuxième bille, quoi. Deuxième manche, je sais pas quoi, ouais. Il déclare forfait, il va chez Vince qui est dans le public, il lui tend l'enveloppe et lui dit « ça c'est pour toi, je veux pas de ton argent et je me casse ». Ah, il se casse. Et donc, c'est la fin, résolution des comptes entre Vince et Paul Newman par l'intromission de Carmen qui essaie de dire « Vince, il veut te redonner l'argent ». Et Paul lui dit « non, je veux pas l'argent, je veux jouer, je veux une vraie partie ». Il dit à Carmen, il dit « moi là, je vais dans la salle de billard et il vient, on fait une vraie partie ». Et on fait une vraie partie. Et donc, on voit un peu l'inversion des rôles où Paul Newman veut vraiment jouer. Et Vince, il dit, mais non, mais on s'en fout, je vais faire des milliers de dollars, tu vois, je m'en fous de jouer et tout. Il dit, bah, laisse-moi une chance, moi, je vais. Et il y a les matchs entre les deux dans une salle de billard vide où ils sont que tous les deux face aux deux copines. Paul Newman arrive à le titiller une dernière fois en lui disant, mais en fait, t'aimes ce jeu et joue contre moi si t'aimes vraiment ce jeu, quoi. Et la dernière image où c'est Paul Newman qui démarre, donc il va casser les billes. Et qui juste avant de faire, il fait I'm back, bam, ouais, là, c'est, et là c'est classe. Ça c'est classe. Ça, c'est très classe. Fin du film, voilà, du film. Ruiné. Voilà. Vous avez prévenu. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis très partagée. J'ai beaucoup aimé les personnages de Carmen. J'ai adoré Paul Newman. Tom Cruise, je trouve qu'il gère trop bien. Mais même la copine de Paul Newman, que je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un super personnage en fait. Elle est vraiment. Elle est pas cool, beaucoup là, quoi. Mais elle est vachement bien justement pour. Ça complète vachement le personnage de Paul Newman. C'est hyper intéressant en fait. Elle est vraiment. Ils sont des couples plutôt dysfonctionnels à des moments, mais qui trouvent leur fonctionnalité à d'autres, quoi. Ouais, tout à fait. Donc très bien. Après, il y a des plans sur les vrais protagonistes et les billards. Putain, mais il y a des trucs sur les billes et tout, des plans trop beaux, quoi. Ouais. Et Martin Scorsese, il s'éclate, il fait des plans en accéléré, à l'envers, ralenti, c'est super beau. Ouais, c'est il y a un rythme des... de fou hein, sur les passages en accéléré et tout. Il fait même des plans où, avant de jouer, on voit Paul Newman en reflet dans la bille en gros plan. Des trucs, c'est tu te dis, ça pourrait faire kitsch, mais en fait, tout ensemble, c'est super beau. Oui, la photo vrai. Aussi, elle est dingue. La photo est hyper belle parce que c'est très sombre, un peu glauque. Et en même temps, avec cette espèce de lumière hyper centrale des tables de billard, où la lumière elle est vraiment que sur les tables de billard et tout le reste c'est dans l'ombre. Et tu as beaucoup ce travail sur ce clair-obscur là. Dès que c'est en intérieur, c'est assez chouette, quoi. Oui, tu devines les gens autour, tu devines des masses autour et les protagonistes très très éclairés. C'est très très beau. Ouais, c'est super beau. En plus, même les personnages secondaires, ils sont très beaux, tu vois. Ouais. On disait Whittaker, il est trop génial. Tortour aussi, il fait deux images, mais en fait, on comprend très bien son personnage et il est. Et c'est délire. Écrit, Moselle, hein. Moselle est énorme. Il parle même pas, mais en fait, il est énorme. Ouais, et puis t'as dans le costume, tout ça, enfin, tout est vraiment assez fou, quoi. Et même dans les décors, en fait, cette espèce d'enchaînement de salles de billard, parce qu'on fait que ça, en fait. C'est voiture, salle de billard, tout le temps. Et c'est hyper chouette, en fait, parce que ça se ressemble jusqu'à ce que tu arrives à la. Enfin, toutes les salles de billard se ressemblent, en fait. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans la répétition du truc et le côté routinier, quoi. C'est assez marrant. Ouais, ce serait bon. Et moi, en plus, moi, j'ai été trop impressionnée par les bruits. Ouais. Je trouve que les sons de billes de billard, ils l'utilisent trop bien au début du tournoi, là, quand tout le monde ouvre du jeu en même temps. Tu vois, du coup, ça fait 24 tables de billard qui font. C'est énorme. C'est trop beau, quoi. C'est trop plaisant. C'est un son. C'est un gros film de Martin Scorsese, quand même. C'est dingue. Hein. Et apparemment, c'était une commande. Hein. C'était pas. Ah bon ? C'était pas un projet spécialement perso. C'était plutôt des producteurs qui l'ont cherché. Et il a dit OK, je vous le ferai dans le budget, dans les temps, sans problème. Et après, bon, le mec a quand même un minimum de talent. Ouais. Il a Paul Newman qui est quand même immense. Censé être sur la fin de sa carrière, mais qui est énormissime. Ouais, c'est fou. Il y a Marie-Elisabeth Mastrantonio qui est dingue. Ouais. Enfin, elle est vraiment hallucinée, quoi. Elle a une présence et une ambiguïté. Elle fait vraiment tout le fil dans le film. C'est vraiment elle le lien de tout le truc entre les deux personnages. C'est elle qui fait les allers-retours, les va-et-vient, qui manipule un peu l'un, un peu l'autre. Je sais pas trop, mais c'est vraiment hyper. Avec très peu de dialogue, elle est hyper juste. Ouais. Et en plus, qu'elle aime finalement tous les deux. Ouais. Et en même temps, elle les manipule. C'est ambigu, c'est très beau. Super. Vraiment, moi, je recommande très très fort ce film. Hein. Ouais. Ouais. Après, moi, sur certains trucs, tu vois, c'était un peu lent. Je sais pas, il y a des moments où je faisais un peu... Ah ouais. Bon, ça, vas-y, on, oui, on arrive à Atlantic City, là. Et non. Mais en réalité, bon. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis, tout, c'est hyper beau parce que... Il y a et les côtés, du coup, Paul Newman, le Eddie, les Fortiches, qui est les vieux jeux. Lui, il n'arrête pas de dire non. À notre époque, c'était l'alcool. Maintenant, c'est la coke. Ouais. Il va dans une salle de billard où il dit ça, c'était les temples de toutes les salles de billard. Il arrive, en fait, il n'y a plus rien. Il y a des meubles à la place. Ouais, c'est ça. Énorme. C'est genre, ah oui. Cette scène-là, elle est marrante où ça démarre. Où il est hyper confiant et puis les autres, du coup, sont naïfs. Ils le suivent, quoi. Et puis ça arrive, c'est un truc de meuble. Bon, bah, il est peut-être pas si fiable que ça, le Eddie, quoi. Non, mais il a arrêté dans les années 60, tu vois. On est dans les années 80. Et anecdote marrante, en fait, dans le film, il dit ça fait 25 ans que j'ai arrêté. Et le premier film The Hustler, dont c'est plus ou moins, c'est la suite non officielle, a été sorti 25 ans avant. Et ouais. Pile poil, c'est fou. Ah ouais, parce que moi je savais pas, tu vois, quand je l'ai lu, je savais pas qu'il était, disons, le deuxième volet de l'arnaqueur. Ça s'appelle comme ça en France. Et en effet, maintenant je me dis, ah, c'est pour ça aussi qu'ils font pas un gros plongeon dans sa vie d'avant, parce qu'il dit oui, j'ai arrêté. En même temps, t'en as pas besoin, tu vois, t'as pas besoin d'avoir le truc d'avant. Mais après, moi, je n'ai pas vu le film d'avant, mais c'est vrai que c'est le même, c'est pas exactement le même schéma adapté sur maintenant avec Tom Cruise. C'est vraiment l'évolution de Eddie, quoi. Mais ouais. C'est assez marrant qu'ils aient aussi un peu collé avec le truc, même si c'est pas forcément fait exprès. C'est assez drôle, du coup. Et puis, c'était un film pour Paul Newman qui a été hyper important, hein, L'Arnaqueur. Il y avait une nomination aux Oscars, notamment pour L'Arnaqueur. Oui. D'ailleurs, petit point Oscar. Sur La couleur de l'argent, parce que là, il y a quatre nominations déjà pour le film. Donc, il y a Marie-Elisabeth Mastrantonio qui a eu une nomination pour meilleur second rôle féminin, je crois. Ah ouais, je comprends. Richard Price pour le scénario, ouais, qui avait déjà fait L'Arnaqueur aussi. Et les décorateurs, donc Boris Leven et Karen O'Hara, qui est décor, direction artistique. Et Paul Newman. Et Paul Newman, qui a eu une nomination et qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Waouh. La couleur de l'argent, c'est notre premier Oscar en direct. Wow. Mais pas pour Tom Cruise. Tom Cruise, pas de nomination. Non. Après, Paul Newman, il a 10 nominations aux Oscars et un seul Oscar, plus un Oscar d'honneur, je crois qu'il a eu. Et Martin Scorsese aussi, parce que quand même, Martin Scorsese, il a eu un Oscar. Par la suite. Pour The Departed, Les Infiltrés en français. Et pareil, 10 nominations dans sa carrière pour Scorsese. Et dernier Oscar qui manquait, Forest Whitaker, qui avait eu l'Oscar pour le dernier roi d'Écosse. Trop bien. Bravo. Qui aurait mérité un Oscar pour cette juste pour la scène. Il devrait faire Oscar de la meilleure scène. Oui. Juste. Et là, elle est trop bien. Elle est trop bien. Et par contre, ce que je me disais aussi, du coup, c'est le truc vieux monde, nouveau monde, tu vois, la coque, la colle, machin truc. Hein. Mais il y a aussi Paul Newman, qui a joué ce rôle-là, qui donne un peu un truc à Tom Cruise, tu vois. Le personnage fait ça, mais aussi, tu sens un peu dans les jeux d'acteurs, il y a un peu de ça aussi, tu vois. Tom Cruise, il n'a pas du tout le même jeu que Paul Newman, tu vois, mais ils sont tous les deux dans le jeune américain. J'imagine, après, Paul Newman, je ne le connais pas tant, mais c'est quand même un putain de symbole des États-Unis, mais d'antan. Ouais. Il se retrouve à passer un espèce de faux truc à Tom Cruise. Et en plus, Tom Cruise était fan de Paul Newman. Ah ouais, ça m'étonne. Il faisait partie de ses idoles quand il a démarré. Enfin, quand il a démarré. Même là, il démarre. Encore mieux, quoi. Truc de ouf. Et du coup, tu le sens, les comédiens aussi. Je sais pas, tu vois tout le... Je sais pas, mais moi, peut-être je projette beaucoup, mais tu vois les parallèles aussi. Tu t'es dit, oui, en effet, il était à la fin de sa carrière aussi. Tu vois, il avait commencé à être un peu vieux. Sûrement qu'il ressent les mêmes choses qu'il ressent les personnages. Et il se voit Tom Cruise qui arrive après Top Gun, genre méga starlette, mais encore hyper jeune, et lui dit, vas-y, je te donne tout, quoi. Ah, mais c'est vrai que c'est fort de se dire, tu montes le film et tu prends vraiment les deux mecs au bon moment, quoi. Ouais, c'est Tom Cruise, c'est la star qui monte. Paul Newman, c'est le... Ouais, non, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, petite larme pour Paul Newman parce qu'il avait quand même une autre classe. Oh, quelle classe, mon Dieu. Quelle classe. Et en plus, il est dit un moment par rapport aux vêtements. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit par rapport aux vêtements. Genre, regarde, ça, c'est la Toi, tu t'habilles bien, tu mets pas ton t-shirt. Ah non, justement, il lui dit de garder le t-shirt parce que ça fait pecno et oui, que comme oui, ça, les gens se méfieront pas de lui. Parce qu'il a un t-shirt avec écrit Vince, son nom. C'est son nom, truc du boulot, en fait. C'est naze. Il dit mélo, mélo. Comme ça, ça fera loser. Qu'est-ce que... On se fait un petit extrait, tiens. Oh oui. Alors l'extrait, on est, c'est plutôt vers le début. On quand est ils au début. Ouais. Ils commencent leur road trip vers Atlantic City et c'est une des premières tentatives d'arnaque où Paul Newman a expliqué à Tom Cruise ce qu'il doit faire sur une partie avec des mecs, mais Tom Cruise n'arrive pas vraiment à appliquer à la lettre. En fait, il a un peu perdu avant et en fait ouais. Là c'est le moment où il doit gagner. Oui, il a perdu pas mal. Il a perdu déjà de l'argent. Ouais. Là, c'est le moment où il doit gagner, en fait, récupérer tout l'argent, plus en gagner plus. Mais en fait, il ne sent pas trop de gagner parce que son adversaire, il a un trachéotomie. Donc, il a un gros trou. Il dit, mais il me fait de la peine, je ne peux pas gagner. Quoi. Donc, Paul Newman, à ce moment-là, il décide de lui donner une leçon. Alors, donc là, on a Paul Newman qui observe. En fait, il s'est légèrement faufilé. Il a regardé la partie. Il dit à Carmen, vas-y, va chercher la voiture. Il s'est faufilé dans les hauteurs. Donc, Tom Cruise, il rate son dernier coup qu'il devait réussir. Oui, parce qu'il il veut pas l'arnaquer. Et il va chercher Eddie pour, parce que, pour avoir l'argent, parce que lui, il a pas d'argent sur lui. Il y a 5-6 mecs qui sortent de l'obscurité. Et Eddie qui observe du dessus du coup du balcon. Il aussi. Là, comment ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça repousse. Il se passe des trucs. Et il y a encore 15 mecs qui arrivent de nulle part, c'est trop drôle. Paul Newman qui regarde la route. Il l'amène dans une espèce de cuisine. Ils sont dans l'entrée. Et Paul Newman, il court. Il descend. Alors là, qu'est-ce que ça appartient? Il prend une chaise. Allez, il la balance. Et je blâme. Il la casse. Il dégage tout le monde. Il dégage un mec. Il prend Tom Cruise. Il dit, taisez-vous, c'est mon fils. Je suis son père. Il lui fout une claque gratos. Il dit, ah non, mais c'est une affaire des familles, laissez-nous tranquille. Allez, on sort. On sort. Je t'avais dit, arrête. Il y a un mec qui met une patate en sortant. Il le sort, il crée encore de trucs. J'espère que ta mère va pas te découvrir. Et là, on court à la voiture. Vite, vite, vite. Go, go, go, go. Et Carmen. On se décolle, qui est craché. Let's go. Where? Parkway South, elle est énorme cette scène. Elle est trop bien parce qu'il y a trop de monde qui sort de nulle part. Tu penses que la salle de billard elle est vide et là t'as 25 mecs. Ah là, tu payes pas, t'as tout le monde qui arrive, c'est la bagarre générale, c'est énorme. Et Paul Newman quand même en canne, hein. Il arrive, il fout 2-3 patates, une ouais. Chaise dans la tronche et c'est parti. Et en plus, la petite calotte à Tom Cruise au passage, c'est cadeau. C'est trop bien. Et puis il dit, bon, ça va aller. Après, dans la voiture, il dit, bon, ça va aller, tu vas t'en remettre, ça va, c'est pas pire. Mais au final, ils ont économisé de l'argent. Parce que, enfin, en tout cas, ils n'ont pas perdu. Et oui, il n'a pas perdu de l'argent. Parce que sinon, il devait payer, je sais plus, 500, $600. Enfin, bref. Pas mal. Ah là là là là là là. Sacré Tom Cruise, on lui en fait vivre des choses. Ouais. Alors, c'est bien. Bah, vas-y. Bah, Tom Cruise. Toi, Tom Cruise. Ouais, t'en as pensé quoi, toi? Bah, moi, j'ai trop kiffé son rôle du naïf qui devient. Un mec con. Là, ouais. Il joue vraiment les cons naïfs. Ouais, il fait vraiment le frimeur, quoi. Oui. Mais après, c'est ce qu'on disait, c'est le genre de rôle où on l'aime bien, ouais. Où il est complètement sans limite. C'est comme dans Taps et tout ça. Là, quand tu le vois faire son truc avec la queue de billard, où il danse à chaque fois, quand il frime, il en fait des caisses quand il est à fond comme ça, où tu as l'impression qu'il n'est pas contrôlable. Moi, je trouve que c'est génial. Quoi. À la fois, il arrive bien à faire le naïf parce qu'il a quand même fait beaucoup au début de sa carrière. Et le naïf, il sait bien le faire. Mais le mec hyper intense et complètement, complètement dingue, quoi. Il est trop, trop bien. Quoi. C'est vrai, je me demande si les passages avec la queue de billard. Il les a pas fait lui-même, quoi. Ah, je sais pas, tu vois. Mais, parce que c'est le genre de trucs qu'il pourrait trop se lancer à faire. Il fait tout ça. Et où t'as le réalisateur qui dit, bah oui, vas-y. C'est pour te laisser partir, quoi. Et après, alors du coup, c'est Tom Cruise qui faisait lui-même ses coups de billard. Sérieux? Parce qu'il fait des super coups, mais quoi. C'est ça. Moi, j'étais halluciné. Je me dis, waouh, quand même, il joue vachement bien. Et en fait, quasiment tout. Il n'y a qu'un coup où c'est pas lui qui le fait, celui où ça sauter. Saute. Ouais, bah ouais. Oui, celui-là. Il a demandé à Scorsese, il a dit non, mais tu me laisses 2 jours d'entraînement, je vais y arriver. Et Scorsese, qui du coup avait son défi de rester dans le budget et dans les temps, il a dit non, tant pis, on te fait doubler sur celle-là. Mais sinon, il les fait tous, quoi. Et c'est des jolis coups quand même. C'est des super coups. Et tu vois, mais après, c'est pratique d'avoir un mec comme ça. C'est-à-dire que dans tes plans, tu n'es pas obligé de filmer que ses mains. Tu peux le voir, il fait des coups aussi où il tape en regardant à côté. Enfin, des trucs, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est très plaisant de le voir le faire. Oui, oui. Parce que moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai dit, putain, mais c'est lui. Tu sais pas. Mais ça fait plaisir de voir les comédiens qui le font. Parce que sinon, tu as toujours le petit filtre de te dire, ah, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de faire les coups. Et après, tu as des coupes bizarres. C'est ça, là, ça coupe pas l'action. Tu vois vraiment le truc, il peut enchaîner plusieurs coups. Enfin, après, ils ont dû faire pas mal de prises, mais quand même, il a une maîtrise du billard qui est assez impressionnante. Waouh, ça aussi. Je suis sûr qu'après ce film, les gens ont revendu des billards à fond. C'est clair. Et encore une entreprise sauvée par Tom Cruise, hein, avec l'aide de Paul Newman, mais bon. Oui, mais bon. Mais après, c'est cool parce que du coup, il a ce côté hyper naïf, très jaloux, très amoureux, très très jaloux, même presque obsessionnel. Mais voilà, il a un côté, les gars, que tu pourrais trouver dans un bar. Et après, il revient quand il sort les grands jeux. Ouais. Moi, je trouve, il fait vraiment les petits arnaqueurs tête à claque trop bien, quoi. Non, mais il est bien. Et tu l'aimes trop parce que tu dis... D'un côté, tu dis « Ah non, merde, Paul Newman, tu l'as vraiment détruit quelque part parce qu'il devient un con, quoi. » Mais en même temps, il réussit sa vie. Je vois, il y a un truc... Non, et puis ils ont quand même, mine de rien, même s'ils sont très très opposés dès le début du film, tous les deux, ils sont quand même en une espèce de fausse confrontation père-fils. Mais il y a quand même un truc où ils ne peuvent pas se lâcher jusqu'au bout, quoi. Parce que même jusqu'au bout, Vince, quand il fait l'arnaque, la dernière arnaque avec Paul Newman... En fait, il est hyper fier d'aller lui amener sa thune. Il dit, mais voilà, regarde, tu nous as appris, t'as bien fait de nous laisser partir parce qu'en fait, tu nous avais déjà tout appris. Et regarde, tiens, ça a marché. Merci, quoi. Il y a un truc qui est... C'était pas l'arnaquer pour l'arnaquer, c'était... Non, regarde, on te prouve qu'on a réussi grâce à toi aussi. Oui. C'est très ambigu, mais c'est à ce truc-là, cette relation qui est assez chouette. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils se font une dernière partie ensemble parce qu'en fait, ils s'aiment quand même, quoi. Tu vois, il y a un truc... Ouais. C'est vraiment chouette, ça. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Ouais. Un beau film. Combien il a coûté ce film ? Ah, bonne question. Il a coûté 10 millions d'euros. Oh, c'est quand même pas mal. N'importe quoi. C'était en avance à l'époque. Ouais, ils avaient essayé. Ça n'a pas marché. 10 millions de dollars, c'est donc pas c'est mal. Pas mal. Hein. Si tu penses que 15 millions Top Gun. Avec tous ces jets pour. Oui, mais il y avait des ristournes sur les jets, je pense. Ouais. Ils avaient des promos. Et du coup, box office ? Je sais pas. Ouais, ça n'a rien à voir avec Top Gun. Hein. Là, je pense qu'il faut qu'on arrête de comparer avec Top Gun, mais ça fait 53 millions de dollars. C'est pas donc mal. C'est plutôt une belle réussite. Oui. Hein, 5 fois ton budget, c'est bien. Hein. Carrément. Tu vas pas te plaindre. Ah, et non. Puis, film aussi quand même iconique parce que des Oscars. Ouais. C'est un film de Scorsese qui est quand même reconnu, quoi. Bah, pas tant, en fait, en réalité. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression que c'est pas son plus connu. Enfin, c'est pas... Oui, c'est ça. Mais dans ses films des premiers 70-80, je trouve qu'il est quand même... Tu le retrouves souvent dans les articles, dans les analyses. Ouais. J'étais en train de boire. En tout cas, beau film. Non, quoi. Un peu à conseiller, à regarder. À conseiller, mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait le noter? Oh non. Oh, c'est parti pour le cruisomètre. C'est l'heure du cruisomètre. Allez, le cruisomètre, toujours le même principe, une échelle de 0 à 100, 0 à 100%, pour, après le visionnage, se dire, bah, Tom Cruise, moi je lui donne X% de cruisomètre, avec un peu nos filtres personnels. Et de sa carrière aussi. Et de sa carrière, de c'est important, c'est pas important, il est bon, il est pas bon. Alors, Serena, non. Réfléchis, tu sais pas, tu m'as l'air très embarrassée. Bah, c'est compliqué parce que je me dis, c'est pas les films qui le fait éclore complètement, mais quand même, il joue avec Paul Newman, quoi. Et je pense que c'est pas rien. Un film de Martin Scorsese. Et je pense pour Tom Cruise, ça a dû faire un truc particulier de jouer avec Paul Newman. C'est quand même, pour un gamin qui a grandi avec des images de Paul Newman, ça doit être énorme. Et en plus, tu le vois, il est trop à bloc, quoi. Dans toutes les scènes où il est énervé, il est à fond, quoi. Il joue bien, en fait. Hein. Il joue super bien. On est en train de se rendre compte qu'il joue bien. Hein. Non, mais ça, on le savait qu'il joue bien. Après, ça dépend des rôles. Mais... Oui, c'est ça. C'est pas de sa faute. Oui. Donc, j'ai envie de donner une bonne note. Mais quand même, c'est pas aussi important que d'autres films. Tu vois, il n'a pas l'impact de Top Gun. Mais, je ne sais pas, c'est trop difficile. À quoi faire. Je dirais 52. Tiens, bim. Oula, boum. C'est tout. Bah. Non, non, mais ok. 52. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai envie de mettre une très, très, très, très grosse note. Mais c'est pas sérieux parce que je pense que c'est pas évident. Peut-être qu'on verra plus tard avec le suite de sa carrière si ce film il est important ou pas. Oui, à quelle mesure il est important ? Parce que mine de rien, il tourne avec Scorsese, donc c'est le premier gros réalisateur. Même s'il y a eu Ridley Scott avant. Coppola, Ridley Scott. Coppola, il n'était pas encore connu. Et là, c'est vraiment, il commence à faire aussi du film avec des grands grands auteurs et une prestation remarquée. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est si peu important dans sa filmographie. Je ne m'en rends pas compte. Mais après, j'ai beaucoup aimé. Puis ça, je trouve sa performance. On en discutait, moi, c'est ce genre de performance que j'aime bien quand il est complètement sans limite, quoi, qu'il est lâché et qu'il fait n'importe quoi. Enfin, qu'il fait n'importe quoi. Enfin, oui. Non, qu'il fait le mec fou et hors de contrôle. Surtout que là, par rapport, tu vois, à Risky Business, où il démarre, où il fait le petit naïf et il finit l'arnaqueur. Ah non, ça n'a rien à voir. La progression là, c'est vachement plus fluide. Enfin, c'est vachement mieux foutu que. Et en plus, là, tu vois le réalisateur qui l'utilise pour l'histoire, tu vois. Ouais, c'est pas la glorification de ça qui devient trop grossière. Là, il est en décalage par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et du coup, ça marche trop bien. Ouais. Si le réalisateur va dire ah ouais, mais c'est ça l'histoire et c'est ça qu'on doit glorifier, ça fait bizarre, quoi. Donc dans TAP, c'est ici, ça marche bien parce qu'il est en contre. Bon, bref. Complètement. Du coup, je ne sais pas comment je vais noter ça. J'aurais aimé mettre plus que Top Gun, mais c'est compliqué de mettre plus que Top Gun là, dans les années 80. Pas. Je ne peux pas. Donc, je vais prendre ta note et je vais rajouter 9 comme les billes de billard. Donc, ça fait que je suis 61. Et 61, c'est pas mal. Ça me fait plaisir. Mais moi, j'ai mis. Toi, tu as mis 52. Oui, 61, pardon. Les maths. Bon, bah c'est pas mal ça. C'est Rotten pas mal. Tomatoes, ils ont dit quoi ? Rotten Tomatoes, ils ont dit 89%. C'est un film qui a été bien reçu par la critique et c'est pas trop étonnant quand même. Non, c'est pas étonnant. C'est un film pour critique qui va bien. Oui. Ouais, avec tous les plans là, tu t'amuses trop. Non, c'est fou, ouais. Mais même juste les titres du début là. C'est bizarre, c'est un peu décalé, mais c'est. Mais c'est trop bien. Avec les sifflements là. Ah, là. Non, c'est dingue, franchement, regardez-le. Les chapeaux avec la clope, c'est trop drôle, Sophie. Ouais, nature morte. Bon, bref, allez voir. Ouais, regardez-le, c'est très très beau. Les spectateurs d'Allociné, ils ont dit 3,4 étoiles sur 5. Ah. Ce qui est plutôt une bonne note. Un milieu, juste au milieu. Dans tout ce qu'on a vu, ça fait partie du plus haut, quoi. Je pense qu'il y a. Ouais. Et on en a déjà vu des 3,4, 3,2, 3,7. Bah, il y avait Taps qui avait des bonnes notes, Outsiders aussi. Et ouais, je crois que c'était ceux-là hein, qui avaient eu des bonnes notes. Risky Business aussi, non ? Non, Risky Business, c'était bizarre, je m'en rappelle plus. Ah bon, je sais pas. C'est pas. Ah oui, c'est 3,1 Risky Business. Ouais, bon. Et bon, voilà. Alors, avant de se quitter, on va se faire une petite recommandation. On a un peu galéré parce que c'est difficile. Être honnête, on savait pas trop quoi recommander. En plus, billard. Bah, ça parle pas de grand chose d'autre que du billard. Quoi. Moi, je te disais, j'étais à deux doigts de recommander Dodgeball sur le ballon prisonnier. C'est pas la même ambiance du tout. Ouais, mais pourquoi pas. Ouais, t'as trouvé Moi j'ai trouvé une recommandation. Ouais, j'ai trouvé un truc mais très tiré par les cheveux. Enfin, tiré par les moi aussi il est un peu tiré par les cheveux. Ah bah alors vas-y. Moi c'est par John Turturro. Du coup le Julian là un peu les compétiteurs initial de Tom Cruise un peu débile, débile mais sous coque tout le temps un peu con. Ça m'a beaucoup fait penser à The Big Lebowski. À Jesus. Yes. J'y ai pensé en plus. Je me dis, bon, c'est pas les billards, c'est les bowling, mais il fait toujours un bon ennemi juré. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Après, il est moins exubérant que dans le Big Lebowski. Ah oui, non, c'est clair. C'est rien à voir. Il a un truc, il est fort quand même, John Turturro. Et il est trop fort, mais il a fait plein de trop bons films. Ouais, c'est clair. Et il a joué aussi dans un super film italien, mais j'arrête. En plus, c'est toujours le même réalisateur. Donc, je vais conseiller The Big Lebowski. Les frères Cohen, donc. Voilà. Et toi ? Et moi, du coup, je vais recommander La Classe américaine. Ah, trop bien ! Bien sûr ! Ouais, parce qu'en fait, moi, tu me dis Paul Newman et je vois Dave au téléphone qui discute avec Peter et Steven dans La Classe américaine. Et je ne sais pas pourquoi je suis bloqué sur ça à chaque fois. Et ça me met beaucoup de joie. Donc, mais trop bien. Ça va peut-être être le seul moment de ce podcast où je pourrais dire qu'il faut regarder La Classe américaine parce que c'est con et c'est bien. Mais c'est trop bien, mais t'as raison. Et en plus, tu vois du Paul Newman et du Robert Redford, et c'est beau, c'est toujours beau de voir ces hommes. Ils sont tellement beaux. C'est clair. Franchement, je vois pas pourquoi on s'en priverait. C'est clair, mais t'as trop raison. Je pense que c'est une des peu de références françaises que j'ai vraiment appréciées. En ne l'ayant pas vu, tu vois, quand t'es petite, c'est difficile, quoi. Et du coup, je l'ai vu adulte et j'ai trop kiffé. Bon, bah, c'est cool, ça. Alors, dans deux semaines, on se retrouve pour causer d'un film où on va parler de sirop, de grenadine, de cachaça, de ponche, de plein d'alcools différents. On de va parler de figurines. Russian, egg Russian. Non, comment il s'appelle? Ah merde, je vois. Ah, de White Russian. Red. Non. Red egg. Je sais plus les cocktails. On va vous parler de cocktails, donc, si vous n'avez pas encore saisi exactement la finesse. Donc, vous avez le temps de le regarder d'ici là, ou pas, si vous ne voulez pas. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui écoutent en se disant ça m'évite de le regarder. Ça peut être bien, c'est un bon plan. C'est pratique. C'est ça. Tu sais de quoi ça parle, tu l'as pas vu, t'as pas perdu. Et tu peux frimer en soirée en disant c'est cocktail, nul. Le zinite, je te le conseille pas du tout. Je l'ai vu, franchement, pas le coup. Et cocktail, dans deux semaines. C'est ça, ouais, on va voir cocktail dans deux semaines. Donc voilà. Voilà. D'ici là, vous n'hésitez pas à nous suivre. Vous retrouvez tout le podcast, tous les épisodes d'avant et les liens vers les réseaux sociaux et les trucs d'abonnement, etc. sur notre site internet cruisecontrol.card.co. Donc card, CARD.co. Donc là, il y a tous les liens, etc. On est hébergé chez PodCloud, qui est un service français d'hébergement de podcasts indépendants qui fait du super boulot et qui est très très chouette et que j'ai oublié sur les premiers épisodes de remercier. Et je le fais maintenant. Merci. Mieux vaut tard que jamais. Et je continuerai de le faire. Et voilà, vous nous envoyez des petits messages, des petits mots doux, des petits mots moins doux. Si vous avez aimé, vous en parlez tout autour de vous, mettez les machins des étoiles. Plein d'étoiles partout. Si vous n'avez pas aimé, vous parlez d'autre chose. De cocktails. Ouais, non, bah, je sais pas. Enfin, d'un vrai cocktail, pardon, pas du film cocktail. Ou, je sais pas, de Paul Newman. Ah ouais, parler de Paul Newman, faut parler de Paul Newman, c'est bien. De sa beauté. De sa beauté magnifique. De sa classe. C'est clair. Et on vous laisse, on vous dit à dans deux semaines et on vous fait des bisous. Bisous. Love was born as the young birds will grow. So our young love will grow, grow. Love, sweet love.